Elles sont devenues des menaces, leurs intentions ont péri. Leur appétit de vorace en un instant fut comblé. On n'a qu'à lancer la suite avec des textos sexy. On leur a bien trop montré qu'on était sur la... Et paf, paf, paf, paf, et paf, et paf, paf, paf, paf, et paf, et paf, paf, paf, paf, et paf, et paf, paf, paf, paf. Rempli de chair et de glace, le cœur est comme un caddie. La nuit tombe, il se déplace, souvent il dort, m'a-t-on dit. Ne laissant aucune trace, le crime est pourtant commis. Il n'y a presque plus de place, le cœur au petit ami. Et paf, paf, paf, paf, et paf, et paf, paf, paf, paf, et paf, et paf, paf, paf, paf, et paf, et paf, paf, paf, paf. Est-ce qu'ils sont bons pour la casse, les protocoles établis? En notant ceux qui tracassent, une bonne raison les oublie. Se nourrir comme un rapace, de chair, de sang le jour J. Alfortville comme mot de passe, pourquoi faire tant de magie? Rempli de chair et de glace, le cœur est comme un caddie. La nuit tombe, il se et paf.